garder la tête sur les épaules, jamais abandonner l'école, toujours garder ses rêves, y'a que les conquis ne changent pas d'époque. Non, tu n'as pas grandi, tu traînes encore avec tes potes. Tu ne sais t'amuser que quand ça parle de déconne. Tu es toujours joignable, tu as toujours ton téléphone. Qu'on ne te prenne pas pour une cote, t'as des jambes ouvertes, mais t'es pas cochon. Oui, tu respectes ton homme, pour toi, lui, c'est un vrai bonhomme. Tu vis une vie de rêve, elle est conne. Tu l'as toujours voulu, vas-y vis ta vie. Si tu veux t'envoler, déploie tes ailes. Si tu veux t'en aller, pars avec elle. Ne laisse personne te barrer là où tu te zen. Si Dieu te guide grâce sans barrière, route vers le ciel. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Déploie tes ailes. Seul toi sais où tu veux aller. Déploie tes ailes. J'ai que le mec. Let's go. Déploie tes ailes. Écoute la mélodie avant de déployer tes ailes.